بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنواصل في كتاب فضل رب البرية بشرح الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله بشرح فضيلة الشيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous le glorifions, nous lui demandons de nous pardonner pour nos péchés. Et nous lui demandons la protection contre les méfaits de nos âmes ainsi que de nos mauvaises actions. Sachez que celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration. En toute vérité, ce n'est qu'Allah, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager qu'il a envoyé à toute l'humanité et le dernier de ses prophètes. Après cela, nous continuons dans le livre Fadlu Rabbil Bariya, qui est l'explication de Durar al-Bahiya. Et nous sommes dans le grand chapitre de la prière. Le grand chapitre de la prière, nous avons vu la définition de la prière. Ensuite, nous avons vu le Babul Azan, ainsi que on est rentré dans les conditions de la prière. Et parmi ces conditions, nous avons mentionné Satru Laura, qui est le fait de couvrir la nudité. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer sur la parole de l'imam Ash-Shawkani, rahimahullah, qui dit. C'est là-bas où on s'est arrêté. Où on s'est arrêté la dernière fois. Non. À partir d'où? Cacher la aura. On s'est arrêté où? Azaïb. Azaïb. Non. Nous sommes entrés dans Auratu al-Mara'a. Et le cheikh, il a dit la nudité de la femme. Il dit Fajami'u badaniha ma'ad al-waj wal-kaffay. Tout le corps de la femme est aura, en dehors du visage et des deux mains. Wa jaa bi qawl al-Malik والشافعي والأوزاعي وأبي ثور ورواية عن أحمد فهو قول جمهور العلماء. Il est venu avec la parole de l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Al-Awza'i, ainsi que l'imam Abi Thawr, et une riwaya qui vient de l'imam Ahmad, et c'est la parole de jumhur al-ulama. Ils disent que la nudité de la femme dans la prière, c'est que tout son corps soit couvert à l'exception du visage et des deux mains. Et nous avons parlé de cela avec la Adil. La première preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. Elles ne doivent pas laisser paraître leur parure sous ce qui en apparaît. Ici, Ibn Masoud radiallahu anhu dit ce qui est voulu, c'est le vêtement. Et Ibn Abbas, il dit c'est le visage et les deux mains. Et ici, nous avons dit que la aura de la femme dans la prière et la aura de la femme de façon générale divergent ici. La aura de la femme dans la prière, c'est tout son corps à l'exception du visage et puis des deux mains. Ensuite, le cheikh Ali Ramli, il est rentré dans le bab de Kashfu Wajhil Mar'a. Le fait pour la femme de laisser son visage découvert, est-ce que c'est une obligation de fermer son visage ou de ne pas fermer son visage? Alors le cheikh Ali Ramli ici l'a mentionné, le hadith de Al-Khasamiyya, ainsi que l'autre hadith, et il a donné comme qawl rajih le fait que ce n'est pas une obligation. Il a suivi par cela le cheikh Albani rahimahullah rahmatan wasi'a. Et les deux preuves qu'ils ont apportées, c'est le hadith de Al-Khus'amiyya qui est rapporté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, qui dit كَانَ الْفَضْلُ ibn Abbas رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Fadl ibn Abbas, qui est le frère de Abdullah ibn Abbas, était derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une monture et une femme est venue. La femme est venue poser la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais Fadl, il était en train de regarder la femme. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis à détourner son visage, le visage de Fadl ibn Abbas. Il s'est mis à détourner son visage. Tayyib. Donc, lorsqu'il s'est mis à détourner son visage, Fadl, chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam détournait le visage de Fadl, Fadl retournait son visage et regardait la femme. Donc, qalat ya Rasulallah, lorsque la femme est arrivée, elle a dit au messager d'Allah, inna faridatallah, l'obligation d'Allah, qui est le Hajj, est arrivée, et cela a trouvé mon père étant vieux, un vieux. Et il ne peut pas rester stable sur une monture. Afa ahujju anha, est-ce que je peux faire le Hajj anhu pour mon père? Qala naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit oui. Wa zalika fi hajjatil wada. Et cela, c'était dans le dernier Hajj du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui disent que le visage de la femme, découvrir le visage de la femme n'est pas une obligation, se sont basés sur ce premier hadith-là, où la femme est venue poser la question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et à Fadl ibn Abbas qui regardait la femme. Et dans leur argumentation, ils disent que ça c'était dans le dernier serment du prophète, dans le dernier hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire que le verset du hijab avait été déjà révélé. Mais malgré cela, le visage de la femme était découvert et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas réprimandé. Donc, ils disent que c'est ce qui montre que ce n'est pas une obligation. Si c'était une obligation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait interdire à la femme de laisser son visage découvert. Comme le cheikh Ali Ramli même soutient cette parole ici, il dit وَقَدْ كَانَ هَذَا بَعْدَ نُزُولِ الْحِجَابِ. Cet événement était après la descente du verset du hijab. Et la femme était aussi, il était interdit pour la femme de porter le qafazaini, les gants, ainsi que le niqab dans le hajj. Donc ici, il n'y a pas de preuve pour cela. Limada, parce qu'en aucun cas dans le hadith, il n'a été mentionné que le visage de cette femme-là a été découvert dans ce hadith. Il a été mentionné que Fadl ibn Abbas regardait la femme. Mais il n'a pas été mentionné que son visage était dehors. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas été mentionné que son visage était dehors. Et aussi dans le Hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à la femme de porter les gants et puis le niqab. Donc, il est interdit de porter les gants et puis les niqab. Même s'il y a mahallu ikhtilaf entre les savants, d'autres disent que c'est le niqab, il s'agit de laisser les deux yeux, mais elle doit fermer carrément son visage. D'autres disent non, s'il n'y a pas de niqab, c'est qu'il n'y a pas de fermeture de visage. À la kul le halatayn, selon ces deux situations, ceux qui se sont basés pour dire que le visage, fermer le visage n'est pas obligatoire pendant le hajj, probablement la femme, elle était dans ce cas-là. Si réellement son visage était découvert. Mais Fadl ibn Abbas, il regardait la femme. Et il regardait cette femme-là, comment? Est-ce que son visage était découvert ou bien la femme, elle avait fermé quand même son visage? Parce que une femme peut fermer son visage et puis on va la regarder. N'est-ce pas? Non. Donc, ceux qui se basent sur ce hadith, comme le Cheikh Ali Ramli ici, il n'y a pas d'argument dans ce hadith qui montre que le visage de la femme était découvert et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas blâmé. Wa min hadith Jabir. Il y a aussi le hadith de Jabir fi salat al-Eid. Dans la prière de Eid, qala, Jabir dit, j'ai assisté avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la prière de Eid. Il a commencé la prière avant la khutba, comme cela est connu. Il a commencé la prière avant la khutba. Et il a fait la prière sans azan, sans iqama. Ensuite, il s'est arrêté et il a ordonné aux gens la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, il les a incités à l'obéissance d'Allah, wa wa'azun nas, et il a exhorté les gens, wa zakkarahum, et les a rappelés. Summa mada, ensuite, il est allé, hatta atan nisa, jusqu'à ce qu'il arrivait vers les femmes. Il arrivait vers les femmes. Fa wa'azahunna wa zakkarahunna. Il a exhorté les femmes, et il les a rappelés. C'est-à-dire, dans la prière d'Aït, il s'est arrêté, il a fait la première khutbah, pour les hommes. Ensuite, il s'est déplacé, il est allé vers les femmes, il a fait la khutbah vers les femmes. Ça va? Et cela est permis. Alors, Faqal, il a dit aux femmes, tazaddaqna, faites la sadaqa, fa inna aksarakunna hataba jahannam. Il dit qu'à la majorité d'entre vous, les femmes, vous êtes les fagots, les combustibles de l'enfer. Faqamat mar'atun. Et une femme s'est levée. Min sittatin nisa saf'a'il khaddaini. Au milieu des femmes. Et la femme avait les joues foncées. Faqalat. La femme a dit, lima ya Rasulallah. Pourquoi on a fait la sadaqa et pourquoi la majorité d'entre nous sont les combustibles de l'enfer? Alors, lorsqu'elle a posé cette question, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, لِأَنَّ كُنَّ تَكْفُرْنَ الشَّكَى أو الشَّكْوَى dans d'autres riwayes, وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرِ. Il dit, car vous plaignez et vous êtes ingrate envers vos époux. قَالَ alors, Jabir dit, فَجَعَلْنَا يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ. Elles se sont mis à donner en sadaqa leur parure, c'est-à-dire leur bracelet, dans l'habit de Bilal, min aktarihinna, leur collier, wa khawatimihinna, et leur bague. Donc ici, ceux qui se sont basés pour dire que le visage, la fermeture du visage n'est pas obligatoire, ils se sont basés aussi sur ce hadith. Est-ce qu'il y a aussi un dalil dans ce hadith? Est-ce qu'il y a une preuve? Cheikh Ibn Baz rahimahullah et Cheikh Ousseymine et ceux qui ne soutiennent pas cette parole, ils disent qu'il n'y a pas de preuve. Pourquoi? Regardons l'événement qui s'est passé et la descente du verset qui est dans Sourate Al-Ahzab où Allah subhanahu wa ta'ala dit قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Ô prophète, dis à tes femmes, à tes filles et aux femmes croyantes de ramener sur elles leur grand voile. Leur grand voile. Et ce grand voile a été expliqué par les compagnons tels qu'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui dit c'est le fait de couvrir de la tête aux pieds en laissant seulement qu'un œil pour regarder. Ça a été aussi expliqué par beaucoup d'entre les tabi'in, tels que Mujahid, ainsi que d'autres. À la kulli hal, le Cheikh Ibn Baz dit, on est tous d'accord que après la descente de ce verset, les femmes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient couvertes, même le visage. Pourtant, dans le verset ici, Allah ne s'adresse pas qu'aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Qu'aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah s'adresse à qui? Hein? Allah dit qul. Ya ayyuhan nabi qul. Ô prophète, dit li azwajika wa banatika wa nisa il mu'minin. Ça va? Voilà pourquoi dans le hadith qui vient au sujet de Ifq de Aïcha radiallahu ta'ala anha, lorsqu'elle a été accusée de zina, celui qui est venu trouver Aïcha, parce que Aïcha était descendue, il y avait la sariya, c'est-à-dire lorsqu'il partait, les femmes étaient mises dans une petite maisonnette et déposées sur un chameau. Et elle était dans cela. Donc, lorsqu'ils se sont arrêtés, Aïcha radiallahu anha, elle est sortie pour faire ses besoins. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils sont partis pour la laisser. Ils ne savaient pas qu'elle était elle n'était pas dans la maisonnette. Donc, lorsqu'ils sont partis, Aïcha est restée seule. Le compagnon qui est venu trouver Aïcha, parce que lui il était toujours derrière, il est venu trouver Aïcha radiallahu anha, il dit, je l'ai reconnu. Kaifa. Il dit, car je l'ai vu avant la descente du verset. J'ai vu son visage avant la descente du verset. Et voici les arguments dont il se base dessus. Et on revient pour dire que le Cheikh Albani, rahimahullah, rahmatan wasi'a, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit qu'il n'a pas de preuve pour dire que c'est obligatoire de fermer le visage. Mais il dit al-awla wal-afdal, ce qui est meilleur, c'est de fermer le visage. Adama qalahu. Voilà qu'un Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, Cheikh Albani, il est sur la parole qui montre que ce n'est pas obligatoire de fermer le visage, mais il est dans l'erreur. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il a dit dans sa risala qu'il est dans l'erreur. Et il a montré l'erreur. Et il a montré les hadiths dont il se base dessus pour dire que la fermeture du visage n'est pas obligatoire. Alors, pour les hal, c'est une masala qui est, comme les savants le disent, Cheikh Ousseymine, lui, rahimahullah, dans sa risala, il détaille avec tellement de preuves. Par exemple, il dit, si on est tous unanimes que les pieds de la femme, c'est obligatoire pour qu'elle ferme, que ce soit dans la prière, ou bien dehors, c'est une obligation que les femmes ferment leurs pieds. Et ça, il n'y a pas de divergence dessus. Est-ce que vous comprenez? Si cela est obligatoire, alors que la femme doit se couvrir pour ne pas qu'elle soit une cause de fitna. N'est-ce pas? Donc le cheikh Ousmane il dit, si le pied est obligatoire, pourquoi peut-on dire que le visage n'est pas obligatoire? Alors que lorsque tu vois une femme, ce n'est pas son pied qui t'attire. Qu'est-ce qui t'attire? C'est son visage. Moi je suis sur l'obligation. C'est obligatoire à travers les dalils que nous avons vus. Le verset qui vient dans le Coran, Kol li azwajika, ces azwaj ont tous fermé. Wa banatika, ces filles ont tout fermé. Tous fermés. Wa nisa il mu'minin, pourquoi on va dire que les nisa il mu'minin ne doivent pas fermer? Ce n'est pas obligatoire. Hein? Donc, et le cheikh il dit wa hajatadu ila kashfil wajh wal kaffayn. Il dit le besoin appelle à ce qu'elle ouvre son visage et ses deux mains les tasir al bay pour faciliter le commerce wa shira wal akhdh wal i'ta et l'achat ainsi que le fait de prendre et de donner. Voilà qu'il qad bayyana dhalik, on a montré cela clairement. Wa dalilu ala anna al qadamayn awra. La preuve qui montre que les deux pieds de la femme sont aura, sont nudité, les deux pieds de la femme sont nudité. قول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا, celui qui laisse traîner ses vêtements par orgueil, لم ينظر الله إليه يوم القيامة. Allah ne regarde pas le jour de la résurrection. Celui que Allah ne regarde pas le jour de la résurrection, il viendra directement, il sera pris et jeté dans l'enfer. ولا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة. Allah ne lui parle pas et Allah ne le regarde pas. يوم القيامة. Donc, celui qui laisse traîner son vêtement خيلا par orgueil, لم ينظر الله إليه يوم القيامة. Et si quelqu'un dit, je laisse traîner mais c'est pas par orgueil. Non. Est-ce que c'est permis pour lui de laisser traîner les mains? L'interdiction est générale dans d'autres hadiths. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit ma asfar al kaabain fa finna. Ce qui est en dehors de kaabain fa finna. Mais si d'autres viennent dire ah mais Abu Bakr radiallahu anhu il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que lui souvent il est un homme qui est, il est un peu mince. Et souvent, son izar, ça traîne, souvent par inadvertance. C'est-à-dire, il ne fait pas exprès. Est-ce que lui rentre dedans? Il dit non, là, tu ne rentres pas dedans. Mais voilà que ceux qui argumentent avec cela même, ils n'ont pas su argumenter. Lui, il ne laissait pas traîner Daïdana. Lui, il dit, il est mince. À leur époque, c'était difficile d'avoir plusieurs vêtements en même temps. Est-ce que vous comprenez? Donc, il dit souvent, sans s'en rendre compte, il laisse. Est-ce que lui rentre dans le cas de celui qui coud même son vêtement comme ça? Et puis marche dessus? Ah, ma fille, Dalil. Il n'y a pas de Dalil. Si cela. Donc, là, il y a 12. Donc, dans le hadith, qu'allait Umm Salama? Umm Salama, c'est qui? La femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فكيف يصنعن النساء بزيلهن؟ Mais les femmes, qu'est-ce qu'elles doivent faire avec les zeils? Le zeil d'une femme, c'est ce qui traîne derrière elle. Ce qui traîne derrière elle. قال que maintenant, comme tu dis, les hommes ne doivent pas laisser traîner. Hein? Mais qu'est-ce que les femmes doivent faire avec les zeils? Ce qui traîne derrière. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit yurkhina shibran, elles doivent laisser traîner un empan. Shibran, c'est-à-dire elles laissent traîner derrière elles un empan comme ça. Voyez. Alors faqalat Umm Salama dit إذا تكشف أقدامهن. Mais si leurs pieds, se découvrent. Et si leurs pieds se découvrent. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit فَيُرْخِينِهِ زِرَاعًا. Elle doit laisser traîner une coudée. وَلَا يَزِيدَنَّ عَلَيْهِ. Qu'elle n'augmente pas sur une coudée. طيب. Qu'elle n'augmente pas sur une coudée. Elle doit rester traînée derrière une coudée. وَذِيَ سُنَّ. C'est égal à sunnah. Maintenant, si ces vêtements-là rentrent dans les déchets, comment ça se purifie? On a déjà vu ça ici. On a déjà parlé de cela. Hein? At-turab. C'est-à-dire, fa yutahhiruhunna wa tatahhiruhum, leur purification ma ba'da. C'est ce qui vient après. C'est-à-dire, si ça tombe dans un déchet et elle marche, le sable que ça va toucher, le sable purifie. Voilà qu'on ne sait pas. Souvent, on voit ces femmes-là, on leur dit, eh mais ça là, c'est vraiment c'est sale. Regardez ce qu'elle fait. Vraiment, elle est très sale. Elle est ici, elle est cela. Alors que la religion a dit, nous les habits, pareil. La religion n'est pas, je pense que, est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Ali ibn Abi Talib dit, لو كان الدين براي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. On allait plutôt essuyer le bas du khouf que d'essuyer le haut. Les chaussettes quand tu portes et que tu dois prendre les ablutions, tu essuies où? En haut. Mais entre le haut et le bas, qu'est-ce qui se salit? Hein? C'est le bas. Donc si la religion était, je pense que, on allait plutôt essuyer le bas. Mais comme la religion n'est pas, je pense que, la religion c'est, Allah dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et on se base sur ça, intah al-mawdou. Donc ici, ce hadith est rapporté par Ibn Omar et Umm Salama. Mais regardez le hadith qui vient ici montrer que le pied de la femme, c'est obligatoire de fermer. Fakir Fabil Wachi. Hein? Le pied est obligatoire de fermer. Fakir Fabil Wachi. Hein? Summa ba'da zalika. Hal satr al-awla alladhi qarrarnahu anifan wajiban am shart. Il dit bon, après cela, le fait de fermer la nudité que nous avons mentionné ici, est une obligation actuellement, est une obligation ou bien une condition. On a parlé du aura de l'homme. La aura de l'homme, c'est de où à où? Hein? Oui? Et les genoux? Le nombril n'en fait pas partie. Hein? Les genoux aussi n'en fait pas partie. Bah, la cuisse même de l'homme, les savants se sont divergés dessus. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu des hadiths ici, qui montrent qu'il a fait apparaître sa cuisse. Abou Bakr est rentré, Omar est rentré, et lorsque Ousmane a voulu rentrer, il a fermé. Il a dit là, il a honte de Ousmane. Comment il ne peut pas avoir honte de quelqu'un dont les anges même ont honte de lui? Hein? Toyib, si c'était interdit, il allait faire quoi? Dès qu'Abou Bakr rentrait, il allait fermer. Voilà qu'il bijam il a dit là, lorsqu'on rassemble les preuves, on va sur deux sujets. Il y a une aura, on va sur deux points. Il y a une aura qui est mukhaffafa, qui est léger, si la personne fait paraître souvent, par négligence, il n'a pas de péché. C'est la cuisse, par exemple. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a une aura qui est mughallada. Hein, c'est as-su'atayn. C'est-à-dire, les deux trous. Comme on peut le dire, ou bien les deux sexes. Al-qubul wa dubul. Mais là, c'est ce qu'Ibn Hazm dit, c'est la aura. Hein, lui dit, la aura de l'homme, c'est le derrière, c'est-à-dire l'anus, excusez-moi, et le sexe. Pour lui, il attache le sexe, il pousse l'anus et khalas, il peut prier. Voilà qu'il y a là, la yuz, hein, c'est pas permis, hein. Si on fait ça là, les gens vont se promener nus. N'est-ce pas? Non. Non. La aura, sauf si tu te trouves entre toi et ta femme, dans la maison, là-bas c'est pas valable. Parce que ta femme peut te voir nue comme tu peux la voir nue. Ma femme, voyez. Voilà que c'est valable entre toi et puis les anges. Ok? Donc, fastahyu, ayez une pudeur d'il malaïka. Fa inna alaykum, il y a sur vous, man, ceux, la yufarikukum, qui se sépare pas de vous. Hada qawl le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fastahyu minhum, ayez honte d'eux. Khalas, hein, il est balé, il est yarati, tu enlèves car les gens te promènent devant ta femme. Il fait ça. Hein? Que non, que ma femme, elle peut tout voir. Qu'elle nous aide. Donc, ensuite, maintenant, tout ce que nous avons mentionné de la aura de l'homme et de la femme. Là, est-ce que c'est une obligation ou c'est une condition? Parce qu'on a donné la différence. Quelque chose peut être obligatoire et ne pas être une condition. Ça va? On a déjà vu cela. Et on a dit que pour la prière, le fait de nettoyer le corps, nettoyer les vêtements, nettoyer l'endroit où on prie, est une obligation ou une condition? Une obligation. C'est-à-dire celui qui délaisse peut avoir les péchés, mais sa prière est valable, correcte. Ma fou, c'est compris? Non. Bon, on va voir cela. Normalement, si son habit ne lui permet pas de couvrir ses pieds, si elle n'a pas d'autre solution, alors, c'est à quoi l'homme s'attend. Craignez Allah selon vos capacités. Si elle n'a pas d'autre solution, hein? Mais si elle a d'autres solutions, par exemple, elle néglige, hein? Il y a d'autres solutions, elle peut trouver des... Aujourd'hui même, c'est très facile même d'avoir des vêtements. À l'époque des compagnons, c'était difficile. Il y a souvent des compagnons qui portaient des vêtements, des hijabs, pour aller accomplir la prière, et leurs femmes les attendaient. Quand ils viennent, ils enlèvent, ils donnent à leurs femmes pour prier. Parce que c'était difficile. Hein? C'était difficile. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est facile. Hein? Nos femmes, même souvent, quand ils regardent leurs valises, subhanallah, te demande même elles à magazine, ça pourquoi. Hein? Valise 1 s'est remplie, 2, 3, 4. Elle demande encore. Ou bien? Assalallahu alayhi wa sallam. Donc ici, c'est une condition ou une charte. Alors, il dit, Ikhtalafa ahlul ilm fi zalik. Les savants se sont divergés à ce sujet. Warrajih, ce qui est rajih, أنه واجب وليس شرطا. C'est une obligation, mais ce n'est pas une condition. C'est-à-dire, s'il arrive que quelqu'un prie sans caleçon, sa prière est valable. Taïb. Parce que ce n'est pas une condition. ودليل الوجوب. La preuve qui montre que c'est une obligation, قول الله تبارك وتعالى يا بني آدم. Il dit, ô fils d'Adam, khuzou zinatakum, prenez vos parures, indakulli masjid. Yani indakulli salah. Kola khayr wahid, mina, indakulli masjid, yani à chaque prière, prenez vos parures. قال غير واحد من السلف de nombreux pieux prédécesseurs ont dit وستر الأورة c'est la fermeture de la nudité وسبب نزول الآية et la cause de la descente du verset يدل على ذلك montre cela والدليل عدم الشرطية la preuve qui montre que ce n'est pas une condition c'est hadith Omar ibn Salama le hadith de Omar ibn Salama annahu amma bi qawmi il a fait Amr ibn Salama afwan il a fait prier sa son peuple fawa sahir pendant qu'il était petit fa innahu kana aqra'uhum ka il savait plus lire le Coran le kitab illah alayhi et il savait plus lire que son peuple le Coran il avait sur lui burda une costume sourire qui était petit la costume se limitait peut-être quelque part là ça n'arrivait même pas au genou donc fa iza sajada lorsqu'il faisait le sujoud takashafa aura sa aura était dehors hatta qala mar'atun min an-nisa la femme était derrière et il y a une femme qui a dit وراو عنا فرمنو أورته سأورة فرمنو سأورة ها قارئكم votre lecteur فرمي سأورة فاشتروا له قميصا achetez pour lui un قميص avec la licence du boubou ça va bobo, chemise, tout ça, ça rentre dans la chemise, court, ou bien ce qui descend, tout ça, c'est kamis. Ok, Tayyib. Donc, elle dit acheter lui un kamis. Ce hadith vient dans Al-Bukhari. Regardez le dalil ici. Fahaza kottakashafa aura. Sa aura s'est découvert. Fils sola. Dans la prière. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il savait cela. Walayim yati anin nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pas venu. Du professeur Rasam Annahu Amarahum qui leur a ordonné à cela de reprendre la prière. Marqué que sa aura était Dieu. Wakadalika kana halu ba'di sahaba. C'est ainsi aussi était la situation de certains compagnons fi ahdi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque du professeur Rasam Fadal Zalika al-Adami. Donc ce qui montre que ce n'est pas une condition. Parce qu'à l'époque du professeur Rasam Fadal certains sahaba, c'était la situation quand ils allaient en soujoud. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonnait aux femmes de ne pas lever la tête avant les hommes. Hein? Parce que si elles levaient avant les hommes, elles allaient voir min ajab il ujab. Hein? Les choses les plus étonnantes. À la cour des hal, ce n'est pas un shart. Voilà qu'il n'a qu'un man ta'ammada. C'est une obligation. Celui qui fait exprès de délaisser sa prière nulle. Est-ce que vous comprenez? Celui qui fait exprès de délaisser, de se mettre nu pour aller prier, la salat alahu. Limada, l'anna utaraka wajib amdan. Il a laissé une obligation siyama. Est-ce que vous comprenez? Il a laissé une obligation siyama et laissé une obligation siyama en une adoration. Est-ce que vous comprenez? Waza la Bouddha mine. Donc, il dit, wa in kana wajiban, même si c'est wajib, wa naqala ba'd ahli al-'ilm. Certains savants ont rapporté al-ijma ala butlan as-salat. Ils ont dit que la prière d'une personne est nulle, man salla 'ariyan muta'ammidan. Qui a prié nu et sciemment. Wa huwa qadirun, alors qu'il est capable à la satri aurati, de cacher sa nudité. Vous comprenez maintenant? Ici, nous disons que ce n'est pas une condition. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver que quelqu'un n'ait pas le vêtement approprié. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une condition si prise à prière est valable. Donc nous avons fini avec la masala de la aura. La masala de la aura. Donc s'il n'y a pas de questions sur cette masala, nous continuons في une autre masala, un autre sujet. قال المؤلف رحمه الله لتد ليبر دي ولا يشتمل الصماء ولا يسدل ولا يسبل ولا يقفت ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مقصوب. Cette masala, c'est au sujet de celui qui prie. Taïb, il ne doit pas faire ce qu'on appelle ishtima as-samma, s'envelopper avec un vêtement et faire entrer ses mains à l'intérieur. Ça va? C'est ce qu'on appelle ishtima as-samma. Ou bien, comme les Ahlul Lugha, ils disent que c'est le fait de s'envelopper avec le vêtement et prendre le bout pour fermer son épaule. Ça va? Prendre le bout pour fermer son épaule. Mais on va voir ce qui est le plus correct. Ça va? Voilà yasdilu. Il ne doit pas faire aussi ce qu'on appelle asadl. Le sadl, c'est quoi? Le sadl, c'est pas de laisser la main comme ça ici. Non. Le sadl, c'est de laisser son vêtement. Souvent, il y a des vêtements qu'ils portent, c'est un pagne. Et puis, ils mettent le cou au milieu. Et quand ils mettent le pagne maintenant, une partie du pagne va devant et une partie va derrière. Mais au milieu, il n'y a rien. Ça va? Donc, quand ils laissent, les gens qui sont à côté peuvent voir sa nudité. On comprend ici? Donc, Aza, Minmahan et Sadl. Ça va? Sadl aussi, ça vient d'un Ircha Asaw. Le fait de laisser le vêtement jusqu'à sa traîne en bas. Wa Aza Aydan. Mais on va voir quel est le sens. Ça va? Wala Yusbilu. Yusbilu ici, c'est le fait de laisser Isbal. Isbal, c'est le fait de laisser traîner même. Les vêtements. Wala yakfitu. Il ne doit pas faire ce qu'on appelle al-katf. Katfu saubi ou katfu asher. Katfu asher. Le fait d'attacher les cheveux. Pendant qu'il va en soujoud, s'il a beaucoup de cheveux, il attache, il prend quelque chose pour attacher comme ça. Ah, là, il y a tous. Il soit là. C'est pas permis. Et le katfu asawu, c'est quoi? C'est lorsqu'il va en soujoud. S'il a un grand vêtement, il ramasse tout. Comme de la manière qu'on voit certaines personnes, excusez-moi, je vais me lever un peu pour vous montrer. Ici, lorsqu'il veut aller en soujoud, il ramasse tout, comme ça. Et puis il va en soujoud. Voilà, là, il use. C'est pas permis aussi. Mafou? Aza al-katfou. Donc ici, nous allons voir ensemble. Il ne doit pas prier aussi dans un vêtement en soie. Fisaw bi haririn. Dans un vêtement en soie. Wala saw bi shuhra. Et dans un vêtement célèbre, de célébrité. Et on va expliquer ça. Wala marsoub. Il ne doit pas prier aussi dans un vêtement dérobé, volé. Ça va? Il a volé quelque part et puis il vient s'arrêter dans la prière pour prier. Wahada aydon la yajouz. Ça aussi, ce n'est pas permis. Taïb, nous allons voir ici, le cheikh il dit, fi hadi faqra, dans ce paragraphe, dans cette partie-là, iddatu masail. Il y a plusieurs sujets. Ja fil sahihayn, c'est venu dans les deux authentiques. عن النبي صلى الله عليه وسلم بمساجد الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اجتماع الصماء إلى انتردي اجتماع الصماء لفت de s'envelopper dans l'habit. Ça va? اختلف العلماء في تفسير. Les savants se sont divergés dans l'explication de اجتماع لبسة الصماء. Comment, yani, on s'habille en somme, c'est-à-dire ils se sont divergés à ce sujet. قال البغوي في شرح السنة. الإمام بغوي دين شرح السنة. فأما إشمال الصماء، كانت إشمال الصماء الذي جاء في الحديث، كي venu dans le hadith هو أن يجلل بدنه الثوب. يجلل سغطى. Il ferme tout son corps avec un vêtement. Ça va? C'est ce que l'imam Baghawi a dit. Il dit, summa yarfa'u tarafayhi. Ensuite, il soulève un bout, à la atiqihi. Il met sur son cou. Ça va? Min ahadi janibayhi. C'est-à-dire, il prend l'habit, comme ça, il met, il fait comme ça une fois, et puis il prend le bout pour mettre ici. Ça va? Dans la ishima asomma. Ma foum? Donc, il dit, fayabdu minhu farja. S'il fait cela, son sexe apparaît souvent. Wa qad ja'a tafsir fil hadith. Et ce tafsir est venu dans le hadith, wa ilayhi zahab al fuqaha. Et c'est vers cela que les savants de la jurisprudence sont allés. Wa fassara al asma'i. Asma bil awwal. Asma'i, il a expliqué asma avec le premier. فقال هو عند العرب أن يشتمل بثوبه. Chez les Arabes, c'est de s'envelopper avec son vêtement. فيجلل به جسده كله. Et il ferme tout son corps avec le vêtement. ولا يرفع منه جانبا. Il ne fait pas sortir une seule partie. يخرج منه يد. Pour faire sortir sa main. وبما اتجع على هذه الحال. Donc, Rubama, et il se peut même, il taja ala hadil hal, il peut même tomber, se coucher dans cette situation-là. Parce que, il ne peut plus bouger, au fait. S'il essaie de descendre, il peut tomber. Et même, s'il y a un danger, il pourra pas. Ada, al-Musamma. Mais, Ubayd dit, ka'annahu yazhabu ila annahu. Yani, l'imam Asma'i, il dit qu'il va vers quoi? La yadri la la yusibu shay. Il se peut que quelque chose l'atteigne. Yahtaju an yaqiya bi yaday. Et il va vouloir se protéger avec ses deux mains. Wala yaqdir. Et il ne pourra pas. Likawniha fi siyab. Parce que ses deux mains seront dans le vêtement. Intaha. Aqal al-Nawawi. L'imam Nawawi, il dit. Fi shari sahih muslim. Dans l'explication de Sahih Muslim, amma ishtimal as-samma, quant au ishtimal as-samma bil mad, fa qala al-asma'i, asma'i dit, wa an yashtamila bis-sawm, qu'il s'enveloppe avec le vêtement, hatta yujallila bihi jasada, jusqu'à ce qu'il ferme tout son corps, la yarfa'u minhu janiban, il ne laisse pas une partie pour faire sortir, fala yabqa ma yakhruju minhu yad, rien ne reste, pour pouvoir faire sortir la main. Wa hadha yaqulu aktharu ahli al-lugha. Beaucoup parmi les gens de la langue arabe disent que le ishmal al-summa, c'est le fait de fermer tout son corps et ne même pas laisser une seule partie pour faire sortir la main. Ça va? Qala Ibn Kutayba. Ibn Kutayba dit summi al-summa. Summa, ça veut dire quelque chose qui est Bimana soulb, qui est lisse. Ça va? Comme l'une pierre, par exemple. Il n'y a pas de trou. Vous comprenez? C'est ce qui est somma. Li'annahu saddan manafis kulliha. Parce que lorsqu'il fait cela, il a fermé toutes les portes où il peut vraiment faire sortir sa main lorsqu'il y a un danger. Ça va? Donc, il devient qu'à sokhrati somma. Il devient comme une pierre lisse. Allait il est sa vie à Khira qui n'a pas de fissure, voilà, sada, et qui n'a pas de, yani, il n'est pas fondu. Qala Abu Ubayd. Abu Ubayd dit, amma al-fuqaha, les fuqaha, fayakuluna huwa an yashtamilu bi sawbin. Qu'il, yani, prenne un vêtement, il s'enveloppe, laisse aller ghayru, et il n'a pas d'autres vêtements en dessous. Summa yarfa'u, et ensuite il soulève, min ahli janibay, d'un côté, fayadaou, Et l'autre tombe à la ahdi mankibay sur son épaule. Et son sexe apparaît. On voit son sexe. Par exemple, tu prends un pan qui est grand. Tu n'as rien en bas. Tu prends le pan, tu t'enveloppes avec. Et puis tu prends une partie du pan et tu soulèves carrément, tu mets ici. Tu vas voir qu'il y a une partie ici qui sera visible. Et c'est ce qu'on appelle Ishima le Somma chez les savants de la jurisprudence. Ça va? Qala al-ulama, les savants ils disent, fala tafsir ahl al-lugha, si on se base sur l'explication des gens de la langue arabe, yukrahu al-ishima al-maskul li alla ta'ridu lahu haja. C'est détestable si on se base sur leur parole. Chez les savants de la langue arabe, c'est que c'est détestable de faire cela pour ne pas qu'il ait un besoin. Il va vouloir repousser certains insectes, certains animaux à venir. C'est ce qu'on appelle hawam. Et ça serait difficile pour lui. C'est très compliqué. Et quelque chose peut le piquer. Parce que si on se base sur l'explication que les gens de Laura ont donné des Ishima au Somma, c'est le fait de ne pas faire sortir quelque part de sa main. Là, ça devient difficile pour lui s'il y a un danger de pouvoir se défendre. Donc ça devient détestable. Mais à la tafsir du Fouqaha, si on se base sur le tafsir du Fouqaha, qui est quoi? Le fait d'envelopper son corps, il prend une partie comme ça pour déposer ici. Ça veut dire que sa main est dehors. Mais à la couleur, sa nudité est sorti. Donc, si on se base sur ce que les fuqaha ont dit, yahrumu al-ishimal. L'ishimal est interdit al-maskur. Il n'y a qu'à bihi ba'd al-aura. Si certaines aura, certaines nudités apparaissent, wa illa fayakra. Mais si ça n'apparaît pas, ça devient détestable. Qultu. Le chef Ali Ramli dit, je dis, al-qawlu fihi, nam, la parole correcte, ma qalahu al-fuqaha, c'est ce que les fuqaha ont dit. Fahum a'lam bima nuhyan, ils sont plus savants que les ahlul lugha de ce qui a été interdit. Fa'ada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa'ada an-nahy, donc on revient, on retourne l'interdiction ila inkishaf al-awra, c'est le fait que la nudité apparaît, c'est ce qui est l'interdiction. Ça va? On va pas dire forcément le fait qu'il fait cela, c'est forcément interdit. Mais ça devient makruh. Si tu t'enveloppes complètement, tu n'arrives pas à te défendre. Maintenant, ça devient interdit si une partie de ta aura apparaît. Ça va? Wallahu a'lam. Et Allah est le plus savant. Wa amma sadlu. Quant au sadlu, falimaja an abi hurayra, c'est ce qui est venu d'Abu Hurayra, radiallahu ta'ala anhu, anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam naha ani sadli fi salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le sadlu dans la prière. Mais ce hadith est un hadith qui est daif. Wa sadlu, le sadlu, qu'est-ce que cela veut dire? Huwa an yursila saoub. C'est le fait de laisser la vie hatta yasila al-ard. Jusqu'à ça arrive à terre. Fala tafsir, fala hada tafsir yadghulu fihi annahyu anil isbal ati. Si on se base sur ce tafsir, l'interdiction de Isbal qu'on va voir après rentre aussi dans le Asadl. Wa qala ba'duhum, mais certains savants disent que le Sadl c'est en yursila tarafay saw, qui laisse une partie du vêtement, la wa la yadumuha, il ne prend pas cela pour attraper l'autre, parce que comme j'ai dit, le vêtement souvent quand il reste une fente ici, comme souvent les vêtements des Mauritaniens que vous voyez, il reste une fente ici. Et souvent, s'il n'y a rien en bas, il est obligatoire de faire le dom, c'est-à-dire de rassembler pour pouvoir faire la prière. Parce qu'en ce moment, si on laisse, si on fait irsal, qui est le sadle, alors ça devient interdit. Fatan kashifu aurata. Donc sa aura apparaît, falahad yakunu nahi. Donc si on se base sur cela, l'interdiction c'est pourquoi? Les satres l'aura. C'est pour fermer la aura. Donc si la aura reste découverte, donc ça devient interdit. Mafoum? وأما الإسبال كنت إسبال فهو أن يرخي إزاره أو ثوبه حتى يجاوز الكعبين. Maintenant, le isbal, c'est le fait de laisser son vêtement, son izar, ou bien son vêtement, jusqu'à ce que ça dépasse les deux chevilles. C'est ce qu'on appelle isbal. Ma forme. Wa qad sahha an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi salat an-nahy anhu fi salat wa ghayriha. Et ça a été authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'interdiction de cela dans la prière. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام إذ سلا إذا لا بارو للبروفيس صلى الله عليه وسلم كدي ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. Ce qui est après les chevilles de Izar, que ce soit ton pantalon, ton boubou, ce qui est après les chevilles est en enfer. Donc, c'est une interdiction. وأما أكف الثوب washir fi sala. Quant au fait de faire le kaf saoub, yani le fait de rassembler le vêtement lorsqu'on va en recours bien en soujout, dans la prière, washar et les cheveux, le fait d'attacher les cheveux dans la prière, faqad sahha an-nahy. L'interdiction est venue de façon authentique, anhu, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi sahihayn, dans les deux authentiques. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس يدي كل مساجد الله صلى الله عليه وسلم يدي أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. J'ai été ordonné de me prosterner sur les sept eaux. الجبهة le front. وأشار بيده على أنفه. Il a montré son nez. واليدين والركبتين les deux mains et les deux genoux, ou à travers les qadamain, et le bout des orteils. Voilà, nakfitu siyab wa shi'r. Et il a dit dans cela, il dit, voilà, nakfitu siyab wa shi'r. C'est-à-dire, on ne fait pas le katf, qui est quoi? Le fait de ramasser le vêtement en allant soujoud, ou bien le fait d'attacher les cheveux, pour ne pas que les cheveux descendent. Ça va? Wa katf saoubi. كتف الثوب هو أن يأخذ طرف الثوب. Le كتف c'est quoi? Et qu'il prenne le bout de son vêtement, ويرفعه إلى الأعلى. Il soulève, comme je vous ai montré. C'est-à-dire, il prend le bout et il soulève jusqu'en haut. أو يقلبه قلبا. Ou bien, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne cela. C'est-à-dire, il prend et il tourne comme ça. أو يشمر أكمامه, ou bien il plie ses manches. Ça va? الشمر c'est الدم, c'est-à-dire il prend ses manches comme ça, il plie et il fait monter. Tout ça, ça rentre dans الكتف. Donc tout cela c'est interdit. Ça veut dire dans la prière, plier ses manches. C'est compris? نسأل الله العافية والسلامة. أما كفت الشير كنت فت دو كفت الشير فأن يأخذ خصلة كي برن إن بارتي مرخية كي ديسان دي سي شيفو منه فيربطها إتادي يقول سلا بخيط أفك إتادي أجو في الأعلى أن هو أو نحو ذلك إتادي يرمس كي ديسان دي سي شيفو il met en haut et puis il met, c'est-à-dire il tourne et puis il met khayt, on appelle ça aigu, il met pour attraper. Les femmes font ça souvent, ça va? Wa hadha la yajuzu fi salat wa la yajuzu lirajul, ce n'est pas permis à l'homme an yusalli fi thawb al-harir, de prier dans un vêtement en soie, li'annahu manhiyun, car c'est interdit. Vous comprenez? Manhiyun an lusil harir. L'homme même, il est interdit pour lui de porter la soie. N'est-ce pas? Wala yajuzu lubsu as-sawb ash-shuhra. Il n'est pas permis aussi de porter un vêtement de célébrité. Le qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man labisa sawm shuhra fi dunya, celui qui porte un vêtement de célébrité dans la dunya, albasahu Allah salbu mazalla, Allah va lui porter un vêtement de rabaissement yawm al-qiyam, le jour de la résurrection. Sawm shuhra, c'est le sawm quand tu portes bélier. Ah, mashallah, oh, non, il est bien. Hein? Hada al-mana. Lakin, hada al-hadith, ضعيف في حديث الضعيف سيأتي بيانه في كتاب اللباس ها لا كلاريفيكاسيون دي سي حديث في كتاب اللباس فلا هذا فلا يحرم لبسه بس امام شوقاني كادي دونك نو ان اكسبليك maintenant avec la parole de Cheikh Ali Ramli donc ce n'est pas interdit parce que le hadith est ضعيف. وصاب الشهرة لصاب الشهرة سيكوا تاتي كونتان كوا ها تي كونتان بس انا ديك هذه لا ضعيف كلا نزيد دونك هو الصاب الذي يشتهر به لصاب الشهرة سي لو فيتمون كي تي بيرميت دير سيليب من لبسه بين الناس. Celui qui le porte parmi les gens, il m'a launu, soit la couleur, ou les sifati, ou bien la manière même du vêtement. C'est ce qu'on appelle saubu ashura. Mais là, le hadith est doif. Wa kazalika la yajuzu lil musalli. C'est de même, il n'est pas permis pour celui qui prie, an yusalli fi saubi maqsoub, de prier dans un vêtement dérobé. Li anna saub al maqsoub, quand le vêtement dérobé, Laysa malikan li ghasibi, ce n'est, ça n'appartient pas à celui qui l'a dérobé. Bal huwa malikun li ghayri, le vêtement appartient à quelqu'un d'autre. Fala yajuzu lahu istimalu mal al ghayr, il ne lui a pas permis d'utiliser l'argent, les biens d'une autre personne. Illa bi iznihim, sauf par leur permission. Mais est-ce que cela annule sa prière? La. Wal ghasbu. Le ghasb, c'est quoi? Ou akhdhu malil ghayr. C'est le fait de prendre l'argent d'une autre personne. Qahran. Yani, un, par la force. Ou udwanan. Ou bien par l'agression. Bi ghayr wajih haq. Sans que cela ne soit dans un droit. Vous comprenez? Le droit ici, ça rentre dans quoi? Par exemple, si c'est l'autorité. Dans un pays musulman, Foulan me doit de l'argent. Je prends le nom d'une personne et je dis Foulan, il me doit de l'argent. Et il ne veut pas me rembourser mon argent. Je vais le voir, il dit ne me rembourse pas mon argent. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai respecté ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit avant de lui donner le prêt. Qui est quoi? Allah dit Faiza tadayantum bidaynin ila ajali musamma. Si vous contactez une dette, voilà ce que les musulmans ont oublié aujourd'hui. Voilà pourquoi on a beaucoup de problèmes. Si tu contactes une dette avec quelqu'un, mais quelqu'un vient prendre de l'argent avec toi, écris. Écris. Madame, c'est une dette. C'est-à-dire ce que nous on appelle crédit. Hein? Sinon en français on dit dette. Ça va? Si tu contactes une dette avec toi, alors écris. C'est ce que Allah t'a dit. Et ne regarde pas la somme. Allah dit, voilà tas amu. Ne vous lassez pas. Antaktubuhu. Décris cela. Sahiran ou kabiran ila ajal. Que ce soit une petite somme ou une grande somme. Jusqu'à un délai, ne vous lassez pas. Même s'il est venu prendre 5000 et toi, faut écrire. Hein? Moins que cela. Tant que tu sais que c'est une dette, écris. Donc toi, si la personne a écrit, il peut aller vers l'autorité pour dire à l'autre que, pour dire à l'autorité que telle personne a pris de l'argent avec moi, il ne veut pas payer. Mais si tu vas vers l'autorité sans avoir écrit, sans qu'il n'y ait de témoins, parce qu'elle a demandé deux témoins dans l'écriture de la dette. Toi, Si maintenant tu n'as pas écrit, tu n'as pas tes deux témoins, tu vas vers l'autorité, tu dis non, telle personne me doit. Ah. Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, il dit quoi? Hein? Si on donnait à chacun des da'awahum, hein? La da'aqawun, amwal, d'autres allaient prétendre l'argent des autres. Walakin al-bayyinatu ala al-mudda'i. Wal-yaminu ala man ankara. Tayyib, tu es venu, tu dis il te doit. C'est toi qui dois envoyer les arguments maintenant. Pour dire qu'il te doit. Devant l'autorité. Maintenant, si tu avais déjà écrit, c'est un argument ou pas? Mais si tu n'as pas écrit, dans l'autorité maintenant, te demande un argument. Non, là où Salim n'a que tu as un argument, tu vas maintenant vers l'autorité. L'autorité va lui donner un délai pour rembourser ton argent. Si ce délai arrive, l'autorité a le droit maintenant d'aller chez lui, de prendre sa télé par la force, sa voiture, tout ce qu'il a comme bien là-bas qui peut rembourser la dette de l'autre. Vendre, rembourser, s'il y a ce qui reste, on lui donne. On donne au propriétaire. Mais à la cour les hal khalas, on prend son argent, ses biens avec force. Hala bihaq, ça c'est dans un droit. Et c'est le droit que on mentionne ici. Vous comprenez? Hein? Wade? Toyib. Donc ici, le cheikh il dit quoi? Il dit, walakin kullu ma zakarahu al-mu'allif. Tout ce que l'auteur a mentionné ici, huna, la yu'tabar min shuruti salah. On ne considère pas cela comme les conditions, comme étant condition de la prière. Li anna minha ma yata'allaqu bi satr al-awra. Car il y a d'autres qui sont en liaison avec le fait de cacher la nudité. Wada hukmu annahu yattabi'u hukm satr al-awra. Cela sur le jugement de faire de cacher la nudité. Kanahi an ijtimal as-summa, comme l'interdiction de faire ijtimal as-summa de s'en relever. Wa sadlu fi ahdi tafasirihima. Et le sadlu dans l'un de ces tafasir. Wa minha ma la yaqtasu bi salah. Il y a parmi eux aussi ce qui n'est pas en liaison avec, ce qui n'est pas spécifique à la prière. Wa za la yubtiluha. Cela ne détruit pas la prière. Iza fu'ila. Si on le fait. Kalubs al-harir. Tel que le fait de porter le, la soie. Wa isbal. Et le fait de traîner le vêtement. Wa al-ghasl. Et le vol. Même si quelqu'un le fait et qu'il prie sa prière, valable. Parce que ça n'a même pas de liaison avec la prière. En dehors de la prière, même c'est interdit. Ou bien, hein? En dehors de la prière, porter la soie est interdit ou pas? Traîner les vêtements, c'est interdit ou pas? En dehors de la prière aussi, voler est interdit. Mafoum? Wa minha ma yaqtasu bis salat. Il y a parmi elles ce qui est spécifique à la prière, comme al-katf. Ça va? Al-kaft. Walakin ajma al-ulama, les savants sont unanimes, ala anna al-mar, une personne, iza solla kadalika, s'il prie comme ça, fala i'adata alayhi. Il ne doit pas reprendre sa prière. Faqad naqala hadha al-ijma al-imam Tabari. L'imam Tabari a rapporté ce ijma. Wa naqala an al-hasan al-basri, mais Hasan al-basri, a été rapporté de lui, Anna alayhi l'i'ada, qui doit reprendre sa prière. Voilà qu'il, wa sahha, c'est venu aussi, An ibn Mas'ud, radiallahu anhu, annahu ra'a rajulan, qu'il a vu un homme, yusolli, qui priait, wa huwa aqisun, yani, il a taché ses cheveux, sha'arahu, falam ya'muruhu, il ne l'a pas ordonné, bi i'adati salat, de reprendre la prière, وَنَّهَاهُ أَنْ ذَلِكُ. Mais lui a interdit de faire cela. Mais lui a pas dit de reprendre la prière. مَفْهُمْ وَصَحَّ عَنْ إِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Et ça a été authentifié d'Ibn Mas'ud رضي الله تعالى عنه أنه رَأَى. On a déjà vu ça. Hein? Ensuite, قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ. Donc on a fini cette masala. L'auteur du livre maintenant, il va aller sur la masala de istiqbal al-qibla. قال المؤلف رحمه الله إلي وعليه إلي obligatoire استقبال عين القبلة qu'il se dirige vers la Qibla elle-même. Ça c'est عين القبلة. Il se dirige vers la Qibla إن كان مشاهدا, s'il voit la Qibla. أو في حكم المشاهد, ou bien elle est dans le jugement de celui qui voit. Ça va? Par exemple, il est un peu loin, mais il voit pas trop bien, ou bien il est aveugle. Il y a des gens qui sont là, qui voient la Qibla. Il doit faire comme eux. Ça va? Hada, ça c'est wajib. Wa ghayr al-mushahid, mais celui qui ne voit pas la Qibla, yastaqbilu al-jiha. Il se dirige vers la direction de la Qibla. Ba'da tahari, après avoir fait l'effort de chercher. Par exemple, فَإِذَا كَانَ الْمُصَلِّي يَرَى الْبَيْتِ, si celui qui prie voit la Kaaba, فَالْفَرْضُ عَلَيْهِ, ce qui est obligatoire celui, أَتَوَجُّهُ إِلَى عَيْنِ الْبَيْتِ, il doit se diriger vers la Qibla elle-même. وَلَا خِلَافْ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكِ, il n'y a pas de divergence entre les savants à ce sujet. وَأَمَّا إِذَا كَانَ لَا يَرَى الْكَعْبَ, mais s'il ne voit pas la Kaaba, فَالْوَاجِبَ عَلَيْهِ, ce qui est obligatoire celui, أن يتحرى جهتها. Il doit chercher, faire l'effort de trouver la direction de la Kaaba. ويتوجه إليها فقط, et il se dirige vers la direction. Ça va? Vers la direction. La direction de la Kaaba en Afrique ici, c'est où? C'est l'est. Ça va? Donc la Kaaba chez nous en Afrique ici, c'est entre le nord et le sud. Entre le nord et le sud. Ça va? Tout ce qui est entre le nord et le sud, c'est la Qibla. Afwan. Hein? Non, la Qibla, c'est entre le nord. Entre le nord et le sud. Parce que la Qibla, c'est vers l'est. N'est-ce pas? Donc, si tu t'arrêtes vers la Qibla, c'est entre le nord et le sud. Tout ce qui est entre le nord et le sud, devant toi, c'est la Qibla. Ça va? C'est la Qibla. Est-ce que vous comprenez? Et le dalil est très clair ici. Wa dalilu ala anna al-wajib at-tawajju ila jiha, la preuve qui montre que l'obligation c'est de se diriger vers la direction, inda adam ru'yat al-Kaaba, lorsqu'on ne voit pas la Kaaba, c'est qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit ma bayn al maghrib wal mashriq qibla, entre le maghrib et mashriq c'est la qibla. Par exemple, Soro, lève-toi, arrête-toi ici. Tayyib, considérons que dans la mosquée ici nous avons l'est ici, hein, derrière moi, juste derrière moi, et l'ouest c'est derrière Soro, n'est-ce pas? Le nord est ici et le... Non, le nord est ici et le sud est ici. Voyez? Le nord est ici. Si c'est vers l'est, il se dirige, ça veut dire que le nord doit être à sa gauche. N'est-ce pas? C'est ça? Le nord doit être à sa gauche. Hein? Maintenant, le sud doit être à sa droite. Ça va? Voyez? Ici, pour celui qui n'est pas devant la Kaaba, c'est entre le nord ici et le sud, tout ce qui est là, c'est la Qibla. Même si Soro se dirige comme ça, il a eu la Qibla. Penche-toi un peu. Même s'il se penche comme ça, il a eu la Qibla. Vous comprenez? Même s'il s'est penché de ce côté, penche-toi un peu, mais ne va pas vers, va même comme ça, il a eu la Qibla. Vous comprenez? Hein? C'est pas forcément Aïn ou Qibla qu'on doit chercher. Pour celui qui ne voit pas la Kaaba. Parce que si on demande de faire ça, ça va chauffer. Ou bien, Tayyib. Donc ici, fi izaminas, tu peux t'asseoir, barakallahu fi. Dans le fait de rendre obligatoire aux gens, attawajjuhu ila Aïn al-Kaaba, de se diriger vers la Kaaba elle-même, harajun. C'est une difficulté. La yukhfa, ce n'est pas caché, C'est une difficulté. والله تبارك وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. Allah ne vous a pas rendu les choses difficiles dans votre religion. Ça va? Dans votre religion. نسأل الله العافية والسلامة. Donc ici, فحقيقة شروط الصلاة في صحة الصلاة. La réalité des conditions. Parce que tout ce qu'il a mentionné, on a parlé que la majorité, ce ne sont pas même des conditions. Tout ce qu'on vient de voir, ce ne sont pas des conditions. Ça va? Ce sont des obligations. La réalité des conditions de la prière qui rend la prière correcte. Il y a l'islam. L'islam. Ça va? Il faut être musulman. Al-aqlu, la raison. Al-aqlu, la raison. C'est-à-dire, lorsqu'une personne n'a pas le aql, sa prière n'est pas correcte. At-tamyizu. At-tamyiz, c'est le discernement. Et c'est à partir de là de 7 ans. Ça va? Dukhul al-waqti, l'entrée de l'heure de la prière. Si l'heure de la prière n'est pas arrivée, si tu pries, ta prière est nulle. Istiqbal al-qibla, te diriger vers la qibla. C'est une condition de la prière. At-taharatu, le fait de se purifier, min al-hadathayn, des deux impuretés. C'est-à-dire, al-akbar wal-asghar. Et puis, septièmement, al-niyya, l'intention. وَمَنْ صَلَّ celui qui prie عَارِيًا nu, مُتَعَمِّدًا exprès وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى سَتْرِ عَوْرَتِهِ et il est capable de fermer sa aura بَطُلَ صَلَاتُهُ sa prière est nulle. نَسَلُ اللَّهَ الْعَافِيَ وَالسَّلَامَ qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guise sans fin sur son droit chemin. Donc, nous allons nous arrêter ici. Je vais m'arrêter là et commencer la semaine prochaine Babu Kayfiyat as-Sala. Chapitre Kayfiya, c'est-à-dire comment faire la prière. Comment faire la prière. Et nous allons voir par cela les arcanes de la prière ainsi que certains éléments de la prière qui rend la prière obligatoire. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Et qui nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez les poser jusqu'à l'heure. Bismillah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.